C'est du message à la proc. C'est du message à la proc. Et je te raconte pas tout ce qui se passe. Ce qui se passe, ce qui se passe. Là j'ai la tête dans l'espace. L'espace, l'espace. Sans toi y'a tout qui s'efface. S'efface, s'efface. Mais y'a rien qui nous sépare. Sépare, sépare. Parce que la vie elle met des coups. Tant pis on en remettra. Et même si la weed elle est forte, alors tant pis on la refumera. J'avais besoin d'un médecin pour dire que la musique j'aime ça. Il faut pas que le son s'arrête, comme en verre faut que tu remettes ça. Je me vois fracasser des mics, n'importe frapper la basse. Je suis resté le même à la base, sauf que mon cœur vient de la casse. Si je le fais pas ça m'agace, vas-y sors ta putain de rage. Je l'approche, je la coupe en 4 matchs, je nique sa putain de race. Parce qu'il y a que ça à faire, et qu'on s'est tous perdu dedans. Remplis-moi le que je le vide, que j'oublie que j'ai plus 30 dedans. Et ça fait tic tac, tic tac, 25 ans déjà. Évite les toc toc, toc toc, 6 heures devant ta porte. Trouve un taf, mets-toi bien, marie-toi, fais ça bien. Et la petite, si Dieu veut, je la reverrai peut-être demain. C'est pas les autres qui t'apprennent, non c'est tes jambes et tes mains. Faut avoir mental d'acier si tu veux construire ton terrain. Et je te raconte pas tout ce qui se passe. Ce qui se passe, ce qui se passe. Là j'ai la tête dans l'espace. L'espace, l'espace. Sans toi y'a tout qui s'efface. S'efface, s'efface. Mais y'a rien qui nous sépare. C'est pas. Je me lève le matin pour soulever des montagnes. Vu le poids de mes épaules, je les ai soulevées plus d'une fois. Mais comme t'es gravé dans ma peau, j'irai en perdre des bouts de chair. Car t'es tout ce que j'ai de plus cher. Du mal à rester patient, à part chez un médecin. Besoin de parler à quelqu'un, ces temps-ci je me sens pas sain. J'ai grandi dans la Zermie, j'en ai fini par m'abonner. Mais les clics sont pas pareils, si j'appuie tu peux canner. Génération elle parle trop, elle t'a fait retirer ta gosse. Langue de vipère, c'est même écrit dans le dico. Et barrez-vous, restez pas là, j'suis pas d'humeur à rigoler. Gentil finit par se faire du mal, finit par méchant isolé. J'dois me forcer à rigoler, sinon ça se voit que j'suis pas net. Ça me fait plus le même effet quand j'ai dépassé trois canettes. J'suis pas là pour percer dans le rap, mais crever l'abcès. Ils ont joué avec mon cœur depuis j'en trouve plus l'accès. Et j'te raconte pas tout ce qui se passe. Ce qui se passe, ce qui se passe. Là j'ai la tête dans l'espace. L'espace, l'espace. Sans toi y'a tout qui s'efface, s'efface, s'efface. Mais y'a rien qui nous sépare, sépare, sépare. Est-ce que c'est parce que je l'ai dans le corps que je peux m'arracher d'ici? Je sais pas ce qu'il veut de moi, une chose est sûre, je deviens celui que je veux pas. Rapper comme moi c'est pas facile, il faut souffrir pour ça. Je remplis des pages et comme mon tel, là je suis à court de mémoire. Man continue sinon c'est dead, lâche pas ce que t'es en train de faire. Mieux vaut mourir au paradis que d'aller crever en enfer. J'en ai tiré des lattes, bientôt je tire sur autre chose. On a mangé des claques quand tu mangeais du popcorn. Quand la haine t'appelle c'est le diable qui fait toc toc. Il m'aime pas, tire-moi dessus cousin, j'en ai des grosses grosses. Touché où ça fait mal, dis-moi combien l'ont vécu. C'est ni on fait que ça, avec le temps j'en deviens têtu. Comportement instable, ce que tu dis le fais-tu. Parler ça sert à quoi, les cicatrices font toi un légume. Il est rentré en toi et maintenant on voit le mal partout. On s'est fait seul et grâce à les cousins je les prends même par 12.